رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئ أن يلعن الرجل والديه. قيل يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه؟ فقال صلى الله عليه وسلم يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. متفق عليه. Chers serviteurs d'Allah, quant à ceux qui ne font pas preuve de bonté envers leurs parents, leur récompense est citée dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons en citer quelques-uns. Abu Bakr al-Aslami radiallahu anhu raconte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit un jour à ses compagnons: voulez-vous que je vous informe du plus grave des péchés majeurs? Akbar al-Kaba'ir. Et il répéta sa question trois fois. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam dirent: oui, ô messager d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ensuite: c'est le fait d'associer à Allah d'autres divinités et la désobéissance envers les parents et le faux témoignage. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était accoudé et il s'est assis et a dit: le faux témoignage, le faux témoignage. Il n'a pas cessé de répéter cela jusqu'à ce que nous souhaitâmes qu'il se taise. Le hadith est rapporté par Al-Bukhari au Muslim. Et selon Abu Huraira radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit un jour: qu'il soit humilié, qu'il soit humilié, qu'il soit humilié. Les compagnons dirent alors: qui, ô messager d'Allah, qui est cette personne qui mérite d'être humiliée à trois reprises? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: celui qui parvient à l'âge où ses parents, père et mère, l'un d'eux ou les deux sont vieux et encore vivants, et malgré cette opportunité, cette personne ne rentre pas au paradis. Le hadith est rapporté par Muslim. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre une chose dans laquelle tombent beaucoup de musulmans. Et cela fait partie également des grands péchés. Selon Abdullah ibn Amr ibn As, radiallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit un jour: parmi les plus grands péchés, le fait de maudire ses propres parents. Les compagnons, radiallahu anhu, de fait de leur nature pure, ils ne pouvaient pas s'imaginer qu'un homme puisse insulter ses parents. Ils dirent alors: ô messager d'Allah, est-ce que quelqu'un peut maudire ses propres parents? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: oui, il insulte le père de quelqu'un qui lui insulte le sien, et il insulte sa mère qui lui insulte la sienne. Le hadith est rapporté par Al-Bukhari au Muslim. إذن عباد الله الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يتصورون رجلا يسب أباه مباشرة وجها لوجه. كان مستحيل في طبيعته وفي طريقه. وكما تعلمون في زماننا من أبناء المسلمين من يسب أباه ويسب أمه. وتلاحظون أيها الإخوة الكرام أن في القرآن الكريم الذي يتأمل كتاب الله جل وعلا يجد أن الله سبحانه وتعالى يوصي الأبناء بآبائهم ولا يوصي الآباء بأبنائهم. ذلك لأن الآباء يهتمون بأبنائهم فطرة من فطرتهم. الآباء يهتمون بآبائهم ولا تجدون ذلك عند المسلمين وعند غير المسلمين، ولكن القليل من يهتم بمن سبق من الأجيال الذاهبة. إن الوالدين يندفعان بالفطرة إلى رعاية الأولاد وإلى التضحية بكل شيء في سبيل ذلك حتى بالذات. وهنا يجي الأمر من الله سبحانه وتعالى بالإحسان إلى الوالدين في صورة قضاء من الله جل وعلا يحمل معنى الأمر المؤكد بعد الأمر المؤكد بعبادة الله التي هي توحيده سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Chers serviteurs d'Allah, comme vous avez pu l'entendre dans le hadith que nous venons de citer, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne pouvaient pas s'imaginer qu'un homme puisse insulter et maudire ses parents. C'est pour ça qu'ils ont dit: ô prophète, qui peut donc insulter ses propres parents? Car ils avaient une nature nature et leur instinct de parents les amènent à faire cela. Au contraire, donc à l'inverse, il y a très peu de jeunes qui portent de l'intention pour les plus âgés et pour leurs parents. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a incités à faire cela. Donc les parents, de leur instinct parental, les parents, leur instinct parental les poussent à faire attention à leurs enfants et à faire des sacrifices pour eux. Ils sont même prêts à sacrifier leur propre personne pour leurs enfants. Ils sont capables de se priver pour faire plaisir à leur enfant. Ils sont capables d'avoir faim afin que leur enfant puisse avoir de quoi manger. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala ordonne aux enfants d'être bons avec leurs parents, et il a ordonné cela après son adoration subhanahu wa ta'ala, et cela est une des meilleures adorations rapprochant de notre Seigneur Azza wa Jal. Allah dit dans Sourate Isra: et ton Seigneur a décrété, n'adorez que lui et marquez de la bonté envers les pères et mères. Si l'un d'eux ou tous les deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dis point ouf et ne les brusque pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses, et par miséricorde abaisse pour eux l'aile de l'humilité et dis: ô mon Seigneur, fais-leur à tous deux miséricorde comme ils m'ont élevé tout petit. Ayyuhal mu'minun, qala ta'ala la taqul lahuma uffin wa la tanharhuma. Ouf, كلمه تدجر وتأفف نهى الله عنها في حق الوالدين. كلمه صغيره تتكون من حرفين، فما بالك ايها الاخ الكريم بمن يقول الكلام العظيم في وجه ابيه او في وجه امه. قال تعالى لا تقل لهما اف، فكيف حالك يا من تصرخ في وجههما؟ قال تعالى لا تقل لهما اف، فكيف حالك يا من ترفع صوتك فوق صوتهما؟ قال تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل هذا هو جزاؤهم؟ هل هذا هو جزاء شقائهما من أجلك ورعايتهما لك في جميع أحوالك؟ شكوى الله donc dit dans le Coran: ولا تقل لهما أف، c'est-à-dire ne leur dis point ouf. Dans la traduction donc du Coran en français, ils ont traduit par cela par fi, qui est un mot de contestation et de rouspétance. Allah subhanahu wa ta'ala a interdit cela envers les parents. Un petit mot composé de deux lettres seulement. Donc que penser de celui qui fait des longues phrases de contestation devant ses parents? Allah dit et ne leur dit pas ouf. Que penser donc de celui qui crie au visage de ses parents? Allah dit ne leur dit pas ouf. Et que penser alors de celui qui élève sa voix au-dessus de la leur? Allah dit dans le Coran: El jaza'u l'ihsan illa l'ihsan. La récompense de la bonté doit être la bonté. Donc est-ce que cela est la récompense des parents qui ont peiné pour leurs enfants et ont fait attention à lui dans tous ces moments? Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikr hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfiru Allah al-'azim li wa lakum wa li sa'il al-muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu al-ghafur rahim. الحمد لله الذي لا ينبغي الحمد إلا له، والصلاة والسلام على خاتم النبوءة والرسالة وعلى آله وصحبه وكل من انتمى له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، عباد الله، إن لعقوق الوالدين صورا كثيرة، منها إظهار العبوس عند مقابلة الوالدين بخلاف ما لو قابل أصحابه. وإنك لتعجب كل العجب ممن يتكلف البشاشة والابتسامة مع الآخرين بينما يتثاقل ذلك مع والديه. ومن صور العقوق أيضا رفع الصوت عليهما أو مقاطعة كلامهما وفرض الرأي عليهما. وهذه الطباع والإخوة الكرام مما يذمها العقلاء مع الناس عموما، فكيف إذا كان ذلك مع الوالدين؟ ومن صور العقوق أيضا التأخر في قضاء حاجاتهما والتسويف بها إلى أن يسأم الوالدان من سؤاله بعد ذلك. ومن صور العقوق القيام بحق الزوجة والأولاد والاعتناء به في مقابلة عدم الاعتناء بحق الوالدين. ولا حاجة لنا أن نذكر من يتجاوز ذلك فيصل إلى ضرب الوالدين وشتمهما والبسق عليهما ورميهما في دور العجزة للتخلص منهما. هذه ليست من صفات المسلمين، بل ليست من صفات العرب قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم. العرب قبل مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم في جاهليته لم يكونوا يفعلون ذلك، بل كانوا برين بوالديهم. Chers serviteurs d'Allah, la désobéissance aux parents possède de nombreuses images. Par exemple, le fait d'être renfrogné en les voyant. Alors que lorsque l'on rencontre nos amis, on est tout souriant et joyeux. Les personnes qui doivent le plus profiter de nos sourires et de notre joie sont nos parents. Également le fait d'élever sa voix en parlant à ses parents, ou bien de leur couper la parole, ou bien de leur imposer des décisions à la maison. C'est une chose que le musulman n'oserait pas faire au travail. Donc comment ose-t-il le faire devant ses parents? C'est une chose que le musulman n'oserait pas faire avec son professeur. Donc comment peut-il le faire avec ses deux parents? Également, le fait de tarder à répondre à leurs besoins, ou repousser cela à plus tard, jusqu'à ce que les parents n'osent même plus lui demander quelque chose. Également, le fait de prendre soin de ses enfants et de sa femme et de sa petite famille et de ne pas prendre soin de ses parents. Sans parler de ceux qui atteignent des stades très difficiles, comme le fait donc de battre leurs parents ou bien de les insulter ou bien pire encore, ou bien même certains musulmans qui malheureusement jettent leurs parents dans des maisons de retraite pour s'en débarrasser. Cela ne fait pas partie des comportements de l'islam. Pire encore, cela ne fait pas partie des comportements des Arabes dans la période islamique. Vous remarquerez qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset « Imma yabluganna indaka » c'est-à-dire « si l'un des deux doit atteindre la vieillesse auprès de toi ». Donc il ne faut pas jeter ses propres parents dans une maison de retraite. Et celui qui jette ses parents dans une maison de retraite, il verra que ses propres enfants le jetteront également dans une maison de retraite. Ayyuhal mu'minun, birrul walidayn kaffaratun lidhunubi was-sayyi'at. 'An ibn 'Umar radiyallahu 'anhuma anna rajulan ata an-nabiyya sallallahu 'alayhi wa sallam fa qala ya rasulullah inni asabtu dhanban 'azima fa hal li min tawba? Fa qala sallallahu 'alayhi wa sallam: hal lak min umm? Qala la. Qala fa hal lak min khala? Qala na'am. Qala fa birraha. Rawahu at-Tirmidhi. Wa li birrul walidayn barakah. 'An Anas ibn Malik radiyallahu 'anhu qala: sami'tu rasulullah sallallahu 'alayhi wa sallam yaqul: man sarraha an yusat lahu fi rizqihi wa yusa lahu fi atharihi falyasil rahimah. Muttafaqun 'alayh. Wa 'an Aisha radiyallahu 'anha annaha qalat: qala rasulullah sallallahu 'alayhi wa sallam: دخلت الجنة فسمعت قراءة فقلت: من هذا؟ قيل لي: هذا حارثة بن النعمان. كذاكم البر كذاكم البر. رواه ابن حبان. ومن عظم شأن بر الوالدين في الإسلام أن البر يمتد إلى أصدقاء الأب والأم وأحبائهما. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه. رواه مسلم. وإن رجلا من الأعراب لقي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بطريق مكة فسلم عليه عبد الله بن عمر وحمله على حماره وأعطاه عمامة كانت على رأسه، فقال له ابن دينار: أصلحك الله، إنهم الأعراب وإنهم يرضون باليسير. يعني أكثرت عليك، إن هذا الرجل كان من الممكن أن يرضى باليسير. فقال له عبد الله بن عمر: إن أبا هذا الرجل كان ودا لعمر بن الخطاب، وإني سمعت رسول الله صلى الله رواه مسلم. Chaque fois, la bonté envers les parents est une cause d'expiation des péchés. Abdullah ibn Omar radiallahu anhuma nous dit qu'un homme est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit: ô messager d'Allah, j'ai commis un énorme péché, puis-je me répentir? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: possèdes-tu encore ta mère? L'homme dit non. Le prophète dit alors: as-tu une tante maternelle? L'homme dit oui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors: sois bon avec elle. Rapporté par l'imam al-Tirmidhi. Et le fait d'être bon avec ses parents est source de bénédiction, de baraka. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: quiconque désire qu'Allah lui élargisse ses richesses et lui allonge la durée de sa vie, qu'il lie les liens de parenté. Muttafaqun alayhi. Et selon Aisha radiallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: je suis entré au paradis et j'ai entendu une lecture. J'ai alors dit: qui est cet homme? C'est la lecture de quel homme? On dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: c'est Harifatu ibn Nu'man. Voilà ce que fait la bonté avec les parents. Voilà ce que fait la bonté avec les parents, rapporté par Ibn Hibban. Tellement la bonté avec les parents est importante dans notre religion, la bonté continue après le décès des parents en étant bon avec les amis des pères et mères après leur décès. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: parmi la perfection de la bienveillance envers les parents, il y a le fait de respecter et d'être bon avec les amis de son père, rapporté par Muslim. Abdullah ibn Omar radiallahu anhuma rencontra un jour un bédouin sur le trajet vers la Mecque. Il le salua, puis le mit sur son âne et lui donna son turban. Il lui donna son âne et lui donna son turban. Un compagnon d'Abdullah ibn Omar lui dit alors: aslahak Allah, qu'Allah améliore ta situation. Ces gens-là ne sont que des bédouins et ils se contentent de très peu. Là, tu lui as donné beaucoup. Abdullah ibn Omar dit alors: le père de cet homme était un ami de mon père, Omar ibn Khattab, et j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: parmi la perfection de la bienveillance envers les parents, il y a le fait de respecter les amis de son père. Ayyuha al-mu'minun. La makana birrul walidayni min al-qurbat al-'azimah tasabaqa ilayha al-anbiya' min ibadillah min al-anbiya' wa ar-rusul wa atba'ihim. هذا نوح عليه السلام يخص والديه بالدعاء بالمغفرة لقوله: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وهذا حال عيسى بن مريم عليه السلام حين قال الله عنه: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وكذا يحيى عليه السلام قال عنه الله عز وجل: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. Chers croyants, étant donné que la bonté envers les parents est une des meilleures adorations rapprochant d'Allah, les musulmans pieux, parmi les prophètes et les messagers, s'empressaient d'être bons avec leurs parents. Nuh, alayhi salam, invoquait le pardon d'Allah pour ses parents. Il dit: Seigneur, pardonne-moi et à mes pères et mères et à celui qui entre dans ma demeure croyant ainsi qu'aux croyants et aux croyantes. Isa ibn Maryam alayhi salam, Allah dit en parlant de lui: il était bon envers ma mère et il ne m'a pas fait ni violent ni malheureux. Et en parlant de Yahya, Allah subhanahu wa ta'ala dit: est dévoué envers ses pères et mères et il ne fut ni violent ni désobéissant. Ibadallah. Ya'lamu jami'an anna Allah ta'ala amara bi birr al-walidayn wa in kana kafirin. قال تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: يا رسول الله، إن أمي قدمت وهي راغبة تريد أن تراني، أفأصل أمي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، صلي أمك. متفق عليه. Chers serviteurs d'Allah, sachez également qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné d'être bon avec les parents, même s'ils sont non musulmans. Allah dit dans le Coran: et si tous deux, c'est-à-dire vos deux parents, te forcent à m'associer ce dont tu n'as aucune connaissance, alors ne leur obéis pas, mais reste avec eux ici-bas de façon convenable. Et Asma, la fille de Abi Bakr radiallahu anhuma, un jour, sa mère est venue à Médine pour lui rendre visite. Et elle était associatrice. Et elle est partie voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander est-ce qu'elle pouvait voir sa mère ou pas. Elle a dit, j'ai demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam et je lui ai dit, ma mère est arrivée et désire me voir. Dois-je lui rendre visite? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, oui, rends visite à ta mère. Le hadith est rapporté par Al-Bukhari wa Muslim. Sallallahu ta'ala bi asma'i al-husna wa sifati al-ula an yarzuqana al-birra bi walidayna. Allahumma ja'alna من البارين اللهم اجعلنا من البارين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر يا عزيز يا غفار اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانيه ولنبيك بالرساله وماتوا على ذلك اللهم حقق مشروع المسجد اللهم حقق مدرسه المسجد يا رب العالمين